Prendre en compte les piétons lorsqu'on est au volant est une très bonne chose, tant il est vrai qu'ils sont fragiles face à une voiture. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Nous sommes en ville, dans une rue comportant quatre voies à double sens. Il vaudrait mieux pour ce piéton qu'il se dirige vers le passage spécialement aménagé qu'on aperçoit dans le rétroviseur. Et dans le rétroviseur, on peut voir aussi une camionnette qui me dépasse, et il est peu probable qu'elle s'arrête pour ce piéton. Je ralentis pour m'assurer du comportement de ce piéton, mais en aucun cas je n'adopte une attitude qui pourrait lui faire penser que je vais le laisser traverser. Réponse B.